Party Street, Marseille, Natch Marocco, ma même Komodo, Mesrim Namor. Facile pour mes admiratrices, car elles savent ici la concurrence n'a pas le style. Ça part de là avec une intro sans pitch. Représente pour le 13 en Doom Catalan Beach. J'aime les piatchs, t'es le soleil. Le son me met le sourire jusqu'aux oreilles. Viens faire un tour, je t'invite dans le 7ème. Écoute, je sais que j'aime, je vais te faire kiffer comme 7ème. Vu que t'es un spécimen, Manix m'accompagne, je le remercie, man. Et t'es la bienvenue, tu le sais, je t'accueille dans mon secteur. Si tu es un mort dans tous les lecteurs, je tourne en veste pas dans les hauteurs du Roucas. Le soir, je trouve l'équipe à deux cases. On parle de tout et de rien, c'est que des histoires de Mia. Des vieux qu'on braquait des milliards. Chia, je donne rendez-vous au 18 pour te couper en deux sur Kif Switch. J'suis malade, ne raconte pas de salade. Official de la calade aux écalades. Envoie la rime pour tous mes voyous, à tous mes gars du noyau. Ayo, et les tox fument le caillou. Mes textes me permettent pas de faire platine, mais ma life c'est exploited platine. Si t'aimes les vrais bonhommes, c'est par là. Amateur de gros son et belle carla. J'm'en prends le vœu des Daria. J'en reprends mes trois arias. J'rap pour mes blinés du cabaya. J'arrive fat, c'est direct du 7ème. Tout ce qu'il faut, Bulgarie, même le 5ème, c'est mainstream. Mon adresse demande au RGS dans les clubs ou dans la rue de casque que j'ai. Mes habitudes le jour et la nuit. Tous les ports de mon quartier, c'est rue car c'est ma ville. On collectionne les ennuis, même les soirs de brin. Garde un œil sur tes amis. On noie le chagrin en champagne. Tous ces hommes politiques qui me font l'œil pour leur campagne. Ils savent pas que je m'en bats les couilles sous les spots. Du liquide et on se débrouille. Pas besoin de grand chose, juste de l'air des hyènes. Des verres, mes potes. Et quoi alors, on bouge un test croque. Mais ce rime n'a mort, enfonce les portes. Frérot, y'a pas que les portes.